Ben, j'ai connu quand ils ont construit la Migros en 78. Ben, je me rappelle, c'est sûr. Ben, j'ai connu à l'époque quand il y avait la passerelle avec les signaux, l'ancien poste. Oh, j'ai vu plein de changements. Hein. La gare, puis il y avait le poste d'enclenchement qui donnait le départ pour les trains. Mais Arnaud, la grande salle, elle venait d'être construite quand on arrivait. Bien sûr, ils ont fait le carrefour en bas, donc ils ont supprimé la ferme là. Dès qu'on a vu qu'ils étaient à la ferme des Tilleuls. Et à l'époque, vous savez, à côté de la ferme, il y a les chemins de fer. Là en bas, il y avait toujours une locomotive qui était chauffée. Puis de temps en temps, mais pendant la nuit, ça réveillait, mais autrement, pour pas aller, parce que la manœuvre était ardente. Mais la manœuvre était ardente, puis il fallait, si la loco électrique foirait, il fallait une vapeur pour remplacer. Puis après, quand ils ont mis le trolley, tout ça, ça a disparu. La rue de Lausanne, il y avait toutes sortes de commerces qui sont devenus autres. Les commerçants, il y en a beaucoup qui avaient mon âge, ils sont partis. Darna, qu'est-ce que je sais, c'est que je suis bien. Et je trouve que pour moi, Rena, c'est. On va dire que c'est ma troisième famille. On va dire ma troisième famille. Mais oui, parce que vous savez, quand je suis arrivée, vous connaissez Lausanne, la COP à Lausanne. Ça n'existait pas encore, ça. Après, ils ont pris un tout petit sous-sol. Ils se font un petit supermarché, un petit terreau, un petit, petit, petit. Moi, la COP, je l'ai vu grandir. Grandir, parce qu'après, en 1964, il a commencé à monter, à monter, à monter. Vous voyez, j'ai vu cette évolution de la COP. Et pour moi, comme les retraités, même quand on est retraité, ils me laissent la carte de bourson. Parce qu'on avait le pourcent. Alors, même retraité, ils nous laissent la carte, on a le pourcent pour les achats. Pour moi, c'est toujours ma famille là-bas. Pour moi, c'est quelque chose de bien, de bien. Je trouve que l'architecture va assez bien. C'est riche en couleurs. Moi, dis donc, ce que j'ai vu, c'est le changement d'Iril. Quant au après d'un placard. Comme elle est bien refaite, elle était déjà pas très commode pour les personnes handicapées, parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Puis c'est une gare qui était mise. Il y a eu le mitraillé ou bien fusillé, je sais plus quoi, dans le temps pendant la guerre. Mais ils avaient beaucoup d'escaliers pour aller au quai. La première gare de Renan, parce que j'ai trouvé un livre, c'était Louis Lozano, du temps de la carte postale. La première gare de Renan, elle date de 1902. J'habite au 24 janvier. Vers l'église, il y a la rue des Corbettes, vers l'église du village. Puis on allait à Verdot, les gamins, on allait beaucoup à Verdot. Puis je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait après, dans les années 70 et quelques, ils ont installé des oiseaux, des cages avec des oiseaux, on ne sait pas si ça y est toujours. L'avenue du 24 janvier, elle allait jusqu'au sentier du village. Puis après, c'était de l'herbe jusqu'à la villa au fond, jusqu'à l'avenue du temple. Donc c'était de l'herbe, depuis n'existait pas la rue du 24 janvier jusqu'à Verdot. Ça, c'est, on joue au badminton dessus. Où j'habitais, il y avait un pré, ils faisaient les abbayes dans le pré le long de la rue de Lausanne. Donc entre la Rose Rouge et le garage Filizetti, c'était de l'herbe, ils mettaient des vaches. Puis après, ben, ils faisaient l'abbaye là aussi. Moi, j'ai toujours considéré comme une ville, mais qui est au carrefour des communes. Elle n'est pas trop vivante, elle n'est pas trop policière, elle est assez juste. Il y avait un monsieur qui avait une villa un peu à droite. Il y avait un singe, j'adorais me promener par là. Avec ma maman, parce que je sortais avec ma maman, on allait beaucoup à la place de Milan. Alors, il y avait un petit singe, alors on s'arrêtait toujours pour regarder le singe.